山路大路山，山路大路山山，啦啦啦啾啾，啦啦沙沙。Solitude, offer another shot. Swept to only be not in the other world. Cercueil pour mal de nuit, brouillard parfois. Cigarette et crachat.Spasme solitude, orphelinat de chat, tourne soin tes vies dans tes draps de bois.